Bonjour, donc Adrien Morgan, je suis chargé de développement territorial à la Caisse des dépôts, à la direction régionale de Bordeaux. J'interviens sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques dans divers projets d'investissement, car la Caisse des dépôts elle propose différents financements pour la réhabilitation énergétique, pour la production d'énergie renouvelable. Donc dans ma présentation, j'ai essayé de vous faire un petit constat aquitain sur ces deux thématiques, et vous présenter les modes d'intervention de la Caisse des dépôts avec différents retours d'expérience que nous avons pu avoir. Donc si on s'intéresse à la réhabilitation énergétique, le parc immobilier aquitain est un parc ancien énergivore qui nécessitera de lourds investissements pour le réhabiliter. Donc pour différentes conférences énergétique en Aquitaine, la Caisse des dépôts avec la LEC et la T2E a permis de définir les chiffres suivants. Donc 1,3 million de logements à rénover en Aquitaine. Si on se met une échéance à 2050, ça fait environ 37 000 logements par an à rénover, sachant que le coût de la réhabilitation est estimé entre 20 et 30 000 euros par logement. Ça ferait un investissement annuel de l'ordre de 900 millions à 1 milliard d'euros annuels pour la rénovation des logements. Si à cela on rajoute les 38 millions de mètres carrés tertiaires à rénover, la facture s'alourdit de 380 millions supplémentaires par an pendant 35 ans. Donc on est toujours sur une échéance à 2050. Si on regarde la production d'électricité, toujours d'après le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, la production en Aquitaine d'électricité est légèrement supérieure à 31 000 gigawattheures. Elle provient essentiellement du nucléaire et de la centrale de Blaye. À ce jour, 9% de la production électrique est réalisée à partir d'énergie renouvelable, entre 2500 et 2800 gigawattheures, dont de l'hydroélectricité avec les barrages pyrénéens, de la biomasse et du solaire. Le reste, en combustible fossile, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Toujours d'après le CRCAE, l'Aquitaine consomme, si on regarde la partie chaleur et électricité, environ 100 000 gigawattheures d'énergie. Et elle produit à partir d'énergie renouvelable, donc 2500 gigawattheures d'énergie électrique et 12 000 gigawattheures de chaleur. Ce qui signifie qu'il y a à peu près 14,5% de la consommation de l'Aquitaine qui est produite à partir d'énergie renouvelable. L'objectif affiché, c'est 20% de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2020. Donc l'Aquitaine produit à ce jour 31 000 gigawattheures. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que 6 250 gigawattheures soient produits à base d'énergie renouvelable, soit un gap supplémentaire de 3 500 gigawattheures. Aujourd'hui, on est à peu près entre 2500 et 2008, comme on vient de le voir. Donc, il faudra arriver à faire 3500 gigawattheures supplémentaires, ce qui équivaut à un investissement estimé entre 2,5 milliards et 3 milliards. Donc, là, différentes filières exploitables pour y arriver, le solaire, l'éolien, la biomasse, la biogaz. Donc, sur l'Aquitaine, le constat qui est fait, pour faire un petit focus, c'est à peu près 1,3 milliard par an pendant 35 ans pour la réhabilitation énergétique. Il y a un investissement de 2,5 à 3 milliards d'euros pour atteindre les 20% de production d'électricité d'origine renouvelable. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que la Caisse des dépôts, comment elle intervient et ce qu'elle peut proposer comme financement pour ce type de projet. La Caisse des dépôts, elle intervient en appui des politiques publiques pour financer des projets d'intérêt général, dont la réhabilitation énergétique et la production d'énergie renouvelable, qui sont des points forts de ces axes stratégiques d'intervention. Elle accompagne les territoires dans le défi énergétique et environnemental, en essayant notamment de décentraliser la production d'énergie et de créer de la richesse locale, notamment par la création d'emplois qui sera non délocalisable et par les taxes qui se reviennent aux collectivités. Donc la Caisse des dépôts pour ça a mis en place toutes trois modes de financement. On a des financements en prêts qui sont des prêts pour les collectivités. Avant, la Caisse des dépôts ne prêtait plus aux collectivités. Il y a eu quelques enveloppes exceptionnelles pendant les crises en 2008, 2011 et 2012. Et depuis 2013, il y a une enveloppe qui a été dédiée pour les collectivités de 20 milliards qui est ouverte de 2013 à 2017. Ce sont des prêts longue durée, de 20 à 40 ans, à des taux bonifiés qui sont taux livré A ou 100 points de base. Par contre, la Caisse des dépôts, elle va regarder uniquement le projet d'une collectivité. On va se concentrer sur un projet et pas sur son budget d'investissement général. Et nous allons pouvoir financer jusqu'à 50% du besoin d'emprunt. Depuis l'été 2014, pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure en préalable à la présentation, sur ces 20 milliards, 5 milliards ont été fléchés, ce qu'on appelle les pré-croissances vertes, ont été fléchés aux collectivités pour des projets qui sont dans un périmètre circonscrit aux thématiques relevant de la transition écologique, à savoir la réhabilitation ou la construction de bâtiments à énergie positive, le transport propre ou la production d'énergie renouvelable. Donc là, ce sont toujours des prêts de longue durée, de 20 à 40 ans, pour les collectivités, mais avec un taux qui est encore plus avantageux et bonifié, sont un taux livré A plus 75 points de base. Actuellement, le livré A est à 1%, le taux actuel est à 1,75. Après, il va arriver évidemment avec la fluctuation du livré A. Et aussi, la différence qu'il y a, c'est que sur des projets jusqu'à 5 millions d'euros, la Caisse des dépôts peut financer l'intégralité du projet. Elle ne vient pas financer l'intégralité du besoin de financement. Elle ne vient pas uniquement financer 50% du besoin de financement, comme elle peut le faire sur l'enveloppe PESPEL dédiée au projet général des collectivités. Jusqu'à 5 millions, la Caisse des dépôts peut financer 100% du besoin de financement. Pour vous donner un exemple, c'était avant que les pré-croissances vertes existent, donc là vous avez la photo. Le sitcom Côte-Sud-des-Landes, on va prendre un exemple local, pour la construction d'une unité de valorisation énergétique des traitements des déchets ménagers à Bénesse et Marennes, pour un investissement de 83 millions, la Caisse des dépôts a prêté 41 millions et demi. Voilà. Un autre mode de prêt qui sont les éco-prêts, qui sont à destination des bailleurs et des collectivités, dont l'objectif est de favoriser la rénovation énergétique du secteur HLM. Donc, suite à un audit préalable, l'objectif va être de se concentrer sur les bâtiments qui sont classés en catégorie énergétique E, F et G, avec un objectif de les ramener vers des classes C. Donc là aussi, il y a des taux valorisés qui dépendent de l'audit, de la classification, des objectifs. Là, je vous inviterai, si vous êtes intéressé, à vous rapprocher de la direction régionale Aquitaine dont vous dépendez. Un deuxième mode de financement qui a été mis en place par la Caisse des dépôts, c'est une filiale Exterimo, qui a été créée, qui est une solution sur mesure et clé en main pour la gestion de la performance énergétique. Donc, c'est une filiale dédiée à la modernisation des bâtiments tertiaires publics. Donc on répond à un appel d'offres d'une collectivité qui va donc externaliser son patrimoine. L'objectif est d'aider les territoires à relever le défi de la transition énergétique. Donc Exterimo sera l'unique co-contractant de la collectivité et va après s'occuper d'agréger l'ensemble des compétences nécessaires à la qualification et au montage du projet, que ce soit des compétences techniques, des compétences juridiques, des compétences financières. Donc on apporte une solution clé en main pour la gestion de la performance énergétique. C'est-à-dire qu'on va financer la réhabilitation d'un bâtiment, un bâtiment qui appartient à la collectivité ou à l'État, parce que c'est un bâtiment public, et on va s'engager sur une économie d'énergie. Donc on garantit dans la durée un niveau maximum de consommation énergétique. En revanche, la collectivité, elle, nous versera un loyer via l'Exterimo. Les bâtiments administratifs sont dans la cible, ainsi que les bâtiments culturels, les bâtiments sportifs. À ce jour, j'ai pas d'exemple locaux, mais dans le 94, à Mandron-les-Roses, il y a un groupe scolaire de 12 classes avec restaurant et accueil périscolaire qui est en train d'être construit et qui devrait être mis en service à la rentrée 2015. Troisième mode d'intervention de la Caisse des dépôts, un investissement. Donc dans des montages, dans des sociétés de projet, ce qui a été un peu évoqué préalablement. Donc la Caisse des dépôts investit en tant qu'actionnaire dans les sociétés de projet aux côtés de partenaires privés et majoritaires. Donc on va souvent créer une SAS, une société d'action simplifiée, avec 25% de fonds propres, 20 à 25% de fonds propres, 75 à 80% de dettes. Donc là, on va vous présenter des exemples concrets par la suite. La Caisse des dépôts donc, est un actionnaire, elle étudie le projet dans son intégralité. Donc, un peu comme un prêteur, on va le faire par la suite, on l'a expliqué à Madame Delamarre. Nous, on n'est pas un actionnaire dormant. Donc, on va prendre le projet en amont, on va apporter un point de vue technique, on va apporter un point de vue juridique, financier, on va découper, étudier le projet dans son intégralité. C'est quelque chose qui est assez long. On va même avoir par la suite qu'on a des projets qui sont en phase de construction actuellement, qu'on étudie depuis 2010-2011. Car il y a un ensemble de contrats, un travail à faire. Il faut négocier les pactes et les statuts de la création de la SAS avec le partenaire. Il faut négocier par la suite les contrats d'approvisionnement, les contrats de vente de produits finis, les contrats d'exploitation, de maintenance, le contrat de dette. Tout ça prend énormément de temps et fait l'objet d'énormément d'allers-retours entre les actionnaires et les partenaires. Et après, donc, le contrat de dette à financer, à trouver, pardon, les banques sont indispensables pour ce type de projet, mais la démarche n'est pas toujours aisée comme pour trouver un actionnaire. Donc on va essayer de présenter quelques exemples concrets. Donc j'ai mis une petite photo. Un exemple local, c'est la centrale de méthanisation Métalang à Jetmaux, qui est en phase de construction. Ça c'est une photo de la semaine dernière qui montre l'avancée du projet. Energia, qui est une filiale du groupement d'ailleurs, est venue nous solliciter la Caisse des dépôts en 2011 pour un projet de la plus grande centrale de méthanisation de France. C'est une centrale qui fait 4,5 MW. Donc à partir de 150 000 tonnes de matières organiques, principalement du lisier, du fumier, du sang, des matières d'industrie agroalimentaire, on va pouvoir générer de l'électricité, 35 gigawattheures qui seront revendus sur le réseau électrique, de la chaleur qui sera autoconsommée sur place afin de sécher les digesta, donc la matière entrante, qui nous permettra de réaliser 12 000 tonnes de fertilisants organiques qui seront revendus par la suite. Donc création de 18 emplois directs et 75 emplois non délocalisables et 75 emplois pendant la construction du chantier. Donc avec Eneria, on a créé une société, une SAS, qui s'appelle Métalang, à 51% Eneria, 49% Caisse des dépôts, car la Caisse des dépôts est toujours un partenaire minoritaire, on n'est jamais actionnaire majoritaire, pour un investissement de 25,6 millions. Les actionnaires ont apporté 5,7 millions, soit 22% du montage financier. On a eu des subventions. Comme le précisé, c'est un montage pour la méthanisation, les subventions sont importantes. On a réussi à avoir non seulement 3 millions de subventions, ce qui est un beau montant, qui sont financés par le conseil régional et le FEDER. Et on a levé une dette de 17 millions d'euros à peu près, soit 66% de l'investissement. Ça n'a pas été facile, car le financement des projets de méthanisation sont les plus complexes, comme Madame Delamarre a pu le dire. On a mis un an et demi pour lever la dette. Des banques se sont désistées, c'est un pool bancaire. On a réussi à lever 13,7 millions auprès de banques classiques. Il nous manquait à peu près 3 millions d'euros. Et pour ça, on a fait appel à une filiale du groupe Monnayer, qui finance le projet de ses filiales, donc d'Eneria, qui nous a pu nous apporter un peu plus de 3 millions, mais un taux supérieur. Sur l'investissement, donc sur les 25,6 millions d'investissement global, à peu près 23 millions sont liés à des coûts de construction. Et on a, comme l'expliquait Madame Delamarre, on a 2,4 millions de frais juridiques, frais techniques et DSRA. Le DSRA, comme ça vous a été expliqué, c'est un montant qu'on réserve au cas où il y a des problèmes et qu'on récupère par la suite. Mais donc ça fait 1,4 million de DSRA et 1 million de frais. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce projet. Un autre projet, toujours dans les Landes, une centrale de cogénération de biomasse sur le site de DRT à Vielle-Saint-Girons. Donc DRT est un industriel landais qui, à partir de la résine, du terpène, du pain, font des essences que vous pouvez retrouver dans des chewing-gums, dans des multitudes de produits. Ils utilisent de la chaleur pour leur process industriel, qui à ce jour est produite à partir de gaz ou de résidus de process. Ils ont une démarche un peu écologique, une démarche verte, avec la volonté de créer cette chaleur à partir d'énergies renouvelables. Donc ils sont approchés de Cofeli, de la Caisse des dépôts, et on a créé la SAS BES-VSG, Biomasse Énergie Solutions VSG pour Vielle-Saint-Girons, là où se situe la centrale qui est sur le site de l'usine DRT, qui produit à partir de 135 000 tonnes de bois annuel. On va produire de l'électricité et de la chaleur sous forme de vapeur qui est revendue à DRT. Donc là, pour ce type de projet, la Caisse des dépôts a accompagné également Cofeli et DRT depuis plusieurs années, 3 ou 4 ans également, pour la négociation de l'ensemble des contrats. Sachant que pour ces contrats, comme pour les contrats de méthanisation, pour les projets comme pour les projets de méthanisation, ce qui est très important, c'est de sécuriser l'approvisionnement, être sûr de pouvoir contractualiser les 135 000 tonnes de bois comme les 152 000 tonnes de matière organique, et de sécuriser aussi la revente de chaleur, la revente d'eau digesta, car ça va être les deux composantes principales du projet. Si vous avez plus d'approvisionnement, si vous avez des ruptures, la centrale ne marche plus, il y a des pénalités, là tout de suite ça devient compliqué, donc c'est vraiment les deux points importants, sécuriser l'amont et l'aval du projet. C'est un investissement de 50 millions d'euros, porté à 22% par les actionnaires et 70% via une levée de dette auprès d'un pool bancaire. Et là encore, on a des frais de l'ordre d'un million d'euros. Et un DSRA de mémoire qui est de l'ordre de 2 millions d'euros. 50 emplois directs et indirects avec une mise en service début 2015. Et pour finir, un dernier exemple, toujours dans les Landes, une ferme photovoltaïque qui, elle, a été inaugurée en 2011 à Villeneuve-de-Marsan, la ferme Solande, où la caisse est de 9 gigawattheures, où la Caisse des dépôts est associée avec un partenaire, donc là c'est aussi 51% partenaire qui est majoritaire et la Caisse des dépôts qui est minoritaire à 49%. Un projet à 28 millions d'euros est financé à 6 millions d'euros par fonds propres et avec une levée de dette de l'ordre de 22 millions d'euros. Donc voilà les modes d'intervention de Caisse des dépôts, du prêt pour les collectivités et les bailleurs, une filiale Exterimo pour les bâtiments publics qui permet d'externaliser le bâtiment et de gérer la performance énergétique, et des investissements dans des sociétés de projets, méthanisation, solaire, cogénération, mais sur tous les types de toutes les filières possibles. Donc on est un acteur assez présent sur le sujet.